années de vacances, comment veux-tu que je t'aide? Ça fait la moula pour maman, Hamdoula ça rentre en ce moment. Tu faisais la mala sur Paname, mais pour m'élever c'est comment? Qu'est-ce qu'elle est belle maman Tita, même au bout du monde maman j'y vais. Je suis vers Santa Monica, c'est la vie d'Aloca ou la misère. Tout pour la monnaie, terre abonné. Là je suis dans la zone, j'ai pas décollé. Bébé avec moi, faut pas décoller. 63 battes mon pas. Je me prends pas pour un autre mon pas. Et la nuit je dors pas, avant d'être un pas tout père. Et ma belle chanson. En Italie, je fais du shopping. Si c'est ta Gina, ce qu'elle préfère tes copines. Océan de larmes, mon cœur fait que chavirer. Et si je t'en parle, c'est que je suis trop bourré. Peut-être que je me suis gouré. Dans le quartier, tu sais pas dans quoi je suis peu de fourré. Là, ça monte à la tête, si je sors le bail, c'est mort, faut vite courir. Et Hendek, les gars, ça part. Charbonneur, resserre les sapates. De toi, je m'entends. De toi, je m'entends. C'est un champagne. 63 battes mon pas. Je me prends pas pour un autre mon pas. Et la nuit je dors pas avant d'être à pas de soupette. Et ma belle chanson et des parties de compète. C'est 63 battes mon pas. Je me prends pas pour un autre mon pas. Et la nuit je dors pas, avant d'être un pas de soupère. Et le matin je sors tôt, réveillé par bruit de compère.